Chapitre 6e. Ce jour-là était l'un des plus beaux du mois de mai 1850 et quelques. Le ciel était bleu. Les arbres du Luxembourg, car c'est là que nous allions nous promener, Laure et moi, étaient couverts d'un feuillage épais. Depuis la rue Saint-Jacques jusqu'à la rue Cassette, tout le quartier était en fête et se promenait dans les allées. Le corps de musique d'un régiment de ligne donnait, suivant son usage, un concert gratuit entre 7 et 8 heures du soir. Les enfants poursuivaient leurs balles et leurs cerceaux. Les soldats s'approchaient modestement des bonnes. Les étudiants donnaient le bras aux étudiantes. Tout le monde paraissait heureux et moi-même, quoiqu'un peu préoccupé de ma conversation avec M. Plotin, je me sentais le cœur léger et plein d'espérance. Dès que nous fûmes engagés dans une allée assez retirée, « Qu'as-tu ce soir, mon cher Gaston Phébus ?» me demanda Laure. « Tu parais tout mélancolique. Est-il arrivé quelque chose ? Est-ce un malheur dont je puisse te consoler ?» Je lui expliquai tous mes sujets d'inquiétude. « N'est-ce que cela ? » dit-elle. « Eh bien, congédie, monsieur Plotin. Il aura plus de peine à trouver un secrétaire pareil à toi que toi à trouver un maître pareil à lui. Il est temps d'ailleurs de secouer le joug et d'être homme. N'es-tu pas fatigué de n'avoir de l'esprit, de la science, des idées et du génie peut-être que sous le nom d'autrui ? Qu'est-ce qui t'arrête ? La crainte de perdre les 800 francs qu'il te fait gagner si péniblement ? Hélas, oui. Bon, tu en retrouveras sans peine s'il faut davantage. Et pour commencer, qu'as-tu à craindre ? N'avons-nous pas 1800 francs d'économie ? 1800 francs ? M'écriai-je étonné. Et où prendrions-nous cet argent ? C'est moi qui tiens les clés de la caisse. Et je puis dire que rien n'en sort, et surtout rien n'y entre, sans passer par mes mains. Où donc serait la source de ce trésor ? Mon cher Gaston Phébus, dit-elle en souriant et rougissant un peu, c'est mon secret. Tu sais que notre bonne mère, si parfaite en tout le reste, a pour garder l'argent une invincible antipathie. Dès qu'elle tient une pièce d'or, il faut qu'elle s'en délivre à tout prix, de sorte que si tu n'avais pas la prévoyance de payer toi-même les dépenses de première nécessité, nous serions réduits à la plus profonde misère. En même temps, sa générosité est si grande qu'elle ne veut rien garder pour elle-même. Dès le premier jour que je suis entré dans la maison, elle n'a voulu sous aucun prétexte recevoir de moi un centime. Tout au plus m'a-t-elle permis, comme tu sais, de payer moi-même ma toilette. J'ai consenti à cet arrangement parce que je prévoyais, ce qui arrive aujourd'hui, qu'un jour tu pourras avoir besoin de cet argent et qu'il serait plus en sûreté dans mes mains que dans les vôtres. Comme maman ne se rend compte de rien, elle a cru que j'employais à mon usage le prix de mon travail et de ma peinture sur porcelaine. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas détrompée, mais le moment est venu de lui dire la vérité. Il faut que tu quittes, monsieur Plotin, ou qu'il te fasse des conditions meilleures. Il faut que tu essayes quelque grande entreprise qui te donne à la fois la réputation et l'aisance. Il faut, chère Laure, interrompis-je en l'embrassant et la serrant sur mon cœur, il faut que tu gardes cet argent, puisque tu as été plus prévoyante que nous. J'aimerais mieux mourir de faim que d'y toucher. Comment ? Nous te ferions payer la joie, le charme, le bonheur que tu apportes à notre foyer. Tu aurais été mon âme, ma vie, mon espérance, ma lumière en ce monde, et tu voudrais être par-dessus le marché mon banquier ? Non, non, ma chère Laure, aussi vrai que je t'aime, aussi vrai que tu es plus belle que le soleil et tous les astres du ciel, je te jure. « Mon cher ami, dit-elle en riant et se dégageant de mes bras, ne prête aucun serment, je t'en prie, car je te jure, moi, que tu serais forcé de le violer. Laissons ces questions d'argent qui m'ennuient. Ta mère sera juge entre nous. Et, ajouta-t-elle, avec une émotion qui ne pouvait pas être feinte, car quel intérêt pouvait-elle avoir à feindre ? Je ne t'avais jamais vu si poétique. Le soleil, la lune, les étoiles, tout est convoqué pour faire cortège à ma beauté. Je suis donc bien belle, Gaston Phébus, à ton avis ? Et tout en me faisant cette question, elle regardait avec une coquetterie gracieuse et fraternelle. « Tu es si belle, lui dis-je, que je n'ai jamais rien vu de si beau sur la terre. Quoi ? Pas même notre sœur Henriette ? Oh, Henriette, c'est autre chose. Et si tu n'étais pas ma sœur ? Ici, j'hésitais un peu. Achève donc, dit-elle. « Si je n'étais pas ta sœur, eh bien, il me semble que je t'aimerais encore davantage. » Cette réponse la fit rêver. Pendant quelques instants, nous gardâmes le silence l'un et l'autre. J'étais étonné moi-même de ce que j'avais pensé lui dire. Nous nous levâmes de banc où nous étions assis. Elle prit mon bras et d'une voix qui me parut altérée, « Rentrons, » dit-elle, « on va fermer le jardin et ta mère doit être inquiète. » J'obéis sans essayer de la retenir. Mon cœur battait violemment et elle m'a dit plus tard qu'ayant passé son bras sous le mien, elle en avait senti elle-même les palpitations. Nous échangeâmes encore quelques paroles banales avant d'arriver à la maison, mais aucune de ces paroles ne répondait à nos pensées.